Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est bien l'Office togolais des phosphates, hein? Oh, l'Office a cessé d'exister depuis longtemps, hein? Ça n'est plus l'Office togolais des phosphates? Oui, ici, c'est devenu service de presse du Togo, hein, depuis. Ah, ben voilà. D'accord. Ben écoutez, nous avons une commande de 150 tonnes de bicarbonate de potassium. Vous appelez l'ambassade? Non, non, mais c'est pour vous. Pour le service de presse? Oui, absolument. Ah bon? Il y a 150 tonnes de bicarbonate de potassium pour le service de presse. Et c'est offert donc par le général Yadema. Ah, c'est ça. Le président de la République. Oui, oui. Pour la bonne année. Ah bon? Alors, est-ce qu'on peut vous les livrer maintenant? Une seconde, là, viens rapidement, là. Bicarbonate de potassium est offert au service de presse. Oui. Bon. Ça fait donc 8 camions. 8 camions? Ah ben oui, il y a 150 tonnes. Hein. Mais, et ils sont en route? Ils sont en route, ils arrivent dans un quart d'heure chez vous. Bon, vous, parce que, bon, nous, on est un service de presse, on est deux seulement ici. Personne ne nous a dit qu'il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez les aider à décharger? Les aider à décharger. Il dit, ça fait. Vous avez dit combien de camions? 8. Mais on ne peut pas. Où est-ce qu'on va les entreposer, tout ça? Mais qu'est-ce que ça signifie? Ben, vous les mettez dans la rue. Ils sont sur des palettes de 5 tonnes. Mais 5 tonnes? Mais on ne comprend rien. Moi, mon second est en train de rire, parce que là, on tombe de nu, là. Il y a 30 palettes de 5 tonnes. Il faut les aider à décharger et les mettre devant la rue. Comment est-ce qu'on peut faire les choses? Ah ben, ils ont des pelles, ils vont vous donner des pelles. Hein. Mais on ne comprend pas. Non, mais vous inquiétez. Je vous passe mon second. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous nous excuserez d'être, disons, insistant, parce que si là où vous êtes, un bon matin, on vous dit qu'on vous livre une marchandise de 5 tonnes. 150 tonnes. Hein. De 150 tonnes, dont vous n'êtes pas du tout informé, je crois que vous réagiriez exactement comme nous. Je pense également. C'est ça. 150 tonnes de quoi, s'il vous plaît? C'est du bicarbonate de potassium. Mais nous ne sommes pas une usine. Ici, c'est un bureau. 150 tonnes de bicarbonate de potassium, bon, on ne saura même pas où mettre ça d'abord. Alors, il y a une consigne. Hein? Oui. C'est indiqué donc sur la commande. Il faut absolument les rentrer dans le bureau. Mais on dirait que vous connaissez nos bureaux. Ah non, je ne connais pas, non. Même 2 kilos ne resteraient pas dans notre bureau. Bon, écoutez, pourrais-je me permettre de vous redemander votre collègue? Oui, je vous le passe. Je vous remercie. Ouais. Allô? Oui, c'est avec vous que j'étais en ligne tout à l'heure. Oui, oui. Bah, qu'est-ce que vous avez contre le bicarbonate de potassium? Non, on n'a rien contre. Nous sommes des journalistes. Nous, on n'utilise pas du bicarbonate de potassium. Nous sommes des journalistes de la presse. On n'a rien. Nous sommes un bureau. On ne peut pas. Bon, écoutez, je vais demander à mes chauffeurs de vous donner un coup de main pour les mettre, les 150 tonnes de bicarbonate de potassium, sur le toit de l'immeuble. Ça vous va, ça? On ne peut pas grimper sur le toit de l'immeuble. Nous avons au moins, je crois, 7 ou 8 étages. Oui. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Qui va le faire? Nous, journalistes? Bah, avec des voisins. Vous avez des voisins, ils vont vous donner un coup de main. Mais comment vous parlez de la France comme moi? Mais comment? On va appeler qui, moi? Mais et vous? Ce n'est pas possible, monsieur. Je m'excuse. Hein. Bon, ben écoutez. Je m'excuse. Je vous remercie. Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous soulager? Oui. Nous n'allons pas vraiment vous livrer 150 tonnes de bicarbonate de potassium. Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'était une plaisanterie pour la radio. Ah, c'est ça. Et ensuite... C'était un jeu? Oui. Oui. Bon, je vous passe mon second. Allô? Oui, bonjour. Mais dis donc, je me suis dit, mais c'est une histoire de fou. Alors, ça, comment ça va? Ça va bien. Mais vous nous avez eu vraiment? Oui, mais je vous ai soulagé. La prochaine fois, je serai plus malin. Mais c'est pas possible. Si. Mettez-vous à notre place. 15 tonnes, mais c'est ahurissant. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible.